Cela compris, on comprendra sans peine une de mes prétendues contradictions, celle d'allier une avarice presque sordide avec le plus grand mépris pour l'argent. C'est un meuble pour moi si peu commode que je ne m'avise pas même de désirer celui que je n'ai pas, et que quand j'en ai, je le garde longtemps sans le dépenser, faute de savoir l'employer à ma fantaisie. Mais l'occasion commode et agréable se présente-t-elle, j'en profite si bien que ma bourse se vide avant que je m'en sois aperçu. Du reste, ne cherchez pas en moi le tic des avares, celui de dépenser pour l'ostentation. Tout au contraire, je dépense en secret et pour le plaisir. Loin de me faire gloire de dépenser, je m'en cache. Je sens si bien que l'argent n'est pas à mon usage que je suis presque honteux d'en avoir, encore plus de m'en servir. Si j'avais eu jamais un revenu suffisant pour vivre commodément, je n'aurais point été tenté d'être avare, j'en suis très sûr. Je dépenserais tout mon revenu sans chercher à l'augmenter. Mais ma situation précaire me tient en crainte. J'adore la liberté, j'aborde la gêne, la peine, l'assujettissement. Tant que dure l'argent que j'ai dans ma bourse, il assure mon indépendance. Il me dispense de m'intriguer pour en trouver d'autres. Nécessité que j'eus toujours en horreur. Mais, de peur de le voir finir, je le choisis. L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté. Celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. Voilà pourquoi je sers bien et ne convoite rien. Mon désintéressement n'est donc que paresse. Le plaisir d'avoir ne vaut pas la peine d'acquérir. Et ma dissipation n'est encore que paresse. Quand l'occasion de dépenser agréablement se présente, on ne peut trop la mettre à profit. Je suis moins tenté de l'argent que des choses, parce qu'entre l'argent et la possession désirée, il y a toujours un intermédiaire. Au lieu qu'entre la chose même et sa jouissance, il n'y en a point. Je vois la chose, elle me tente. Si je ne vois que le moyen de l'acquérir, il ne me tente pas. J'ai donc été fripon, et quelquefois je le suis encore, de bagatelles qui me tentent, et que j'aime mieux prendre que demander. Mais, petit ou grand, je ne me souviens pas d'avoir pris de ma vie un liard à personne. Or, une seule fois, il n'y a pas 15 ans, que je volais 7 livres 10 sous. L'aventure vaut la peine d'être contée, car il s'y trouve un concours impayable d'effronterie et de bêtises que j'aurais peine moi-même à croire s'il regardait un autre que moi.